Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Alors mesdames et messieurs, si vous avez une petite baisse de morale, j'ai ce qu'il vous faut. En stock aujourd'hui, nous avons les plus belles chansons, les plus belles musiques, rien que pour vous, une émission pour ça. Elle s'intitule « Dansez maintenant », alors il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans votre émission. Les starting blocks, nous avons bien sûr Arlette qui va nous parler chansons françaises et puis très en forme aussi Monsieur Christophe Pessel, lui nous parlera de l'accordéon. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia FM. Les cloches résonnent pour cette version très agréable de Alain Morisot et les Sweet People, les trois cloches. Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, dans la nuit étoilée, qu'un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains. Voici qu'après 19 années, que en émoi le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent, leur voix d'écho en écho. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps a fui. Voici quand la nuit étoilée, un cœur s'endort, François et moi. chérie comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche sonne, elle chante dans le vent, obsédante et monotone, elle redit aux vivants, ne tremblez pas cœur fidèle. GFM, Hubert Ledent. Va-t'en, suis ton chemin, pars dans un sourire. Allez, on vous embrasse et voici Christophe. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à tout le monde, et bien je vous propose cette semaine de parler d'un album qui s'appelle Air de Paris, les plus belles mélodies de Paris, réunies par Jacques Verschit. Alors je vous propose d'en écouter un extrait et ensuite je vous parlerai de ce grand monsieur qui est Jacques Verschit. Tout de suite, on commence avec la complainte de la butte, place aux plus belles mélodies de Paris. Mais là, je vous entends dire, mais qui est Jacques Verschit? Je n'ai jamais entendu parler de Jacques Verschit. Pourtant, un grand monsieur de l'accordéon et aussi de la musique en général. Collaborateur d'émissions, il a travaillé pour France Inter, France Télévisions, RTL, mais aussi pour les éditions, Paul Bocher et tous les autres. Mais aussi, il a travaillé avec des musiciens, Charles Trenet, Francis Lemarque et dernièrement avec Jean-Jacques Debout. Vous savez, l'album qui fait tant de bruit actuellement à la télévision, eh bien, c'est lui qui fait l'accordéon derrière. Également au cinéma, dans les films. On va tout de suite l'écouter dans un deuxième morceau qui s'appelle tout simplement Ménilmontant. Thank you.

accordéon nouvelle vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Alors, deuxième partie de cet accordéon nouvelle vague consacré à Jacques Fairchit. Je ne sais pas si vous regardez un petit peu les auteurs, compositeurs des différents morceaux que vous écoutez sur les CD. Eh bien, je pense que vous verrez très souvent Jacques Fairchit aux côtés, eh bien, de Jackie Delance, de Marc Provence, des grands noms de musique pour l'accordéon et pour la chanson française. On écoute tout de suite Sur les quais du Vieux Paris, Jacques Fairchit. Est-ce que vous avez entendu tous ces détails, tous ces instruments qui sont là, qui sont présents, qui font de la musique de Jacques Fairchit une musique qu'on ne se lasse pas et qu'on aime beaucoup écouter, quel que soit l'endroit? Eh bien, et oui, c'est déjà terminé pour ma petite rubrique. On va se quitter, on reste toujours avec Jacques Fairchit qui vous propose Paris Canaille. En tout cas, eh bien, moi je vous souhaite une très bonne semaine et bien sûr, bonne écoute avec Hubert et à très bientôt. maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Si pour vous, mesdames, une fleur, rien qu'une rose. Une fleur, rien qu'une rose, que j'ai cueillie pour toi. Cette fleur, cette rose, te redira tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle. Cette fleur, oui, cette rose, dira mieux que je ne l'ose, toute l'envie que j'ai de toi. Je n'ai pu te garder auprès de moi, et ton amour me glisse entre les doigts. Ne peux-tu te souvenir d'avenir et puis mourir d'aimer. Une fleur, rien qu'une rose, que j'ai cueillie pour toi. Cette fleur, cette rose, te redira tant de choses, du vrai bonheur d'autrefois. Une fleur, rien qu'une rose, si belle entre tes doigts. Cette fleur et cette rose dira mieux que je me l'ose, toute l'envie que j'ai de toi. C'est maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Voici une composition qu'on a fait avec l'orchestre, le duo des montagnes, Virginie et Cyril Denray, avec l'orchestre Tendance. Voilà une formule très sympathique pour un morceau de partage de musique. Il est venu sans embâge et vous invite au voyage dans un pays où l'hiver et l'été illuminent les montagnes. Comme un plaisir qu'on partage, il n'a que des avantages. Venez valser sur une mélodie qui chasse tous les soucis. C'est un air de chez nous, un refrain que l'on donne et qu'on aime partout. C'est un air de chez nous, et quand la cloche sonne, dansez donc avec nous. Cet air venu rendre hommage au plus beau des paysages. Un soir d'hiver nous a été donné comme un cadeau que l'on gagne. Ce refrain qui n'a pas d'âge à présent sera le gage d'une amitié entre les musiciens. Rien n'en brisera le lien. C'est un air de chez nous, un refrain que l'on donne et qu'on aime partout. C'est un air de chez nous, et quand la cloche sonne, dansez donc avec nous. C'est un air de chez nous, un refrain que l'on donne et qu'on aime partout. C'est un air de chez nous, et quand la cloche sonne, il faut rentrer chez nous.